wesh wesh cousin, ma fait quelqu'un pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors garlouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, j'en plus de chico sur le côté. Qui boitent, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours devoir quand y'a un bruit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand on est plus quoi ça marchait dessus. Pour nos sœurs, nous serons les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, ton plus de chico sur le côté. Qui boitent, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours devant quand y'a un bruit. Deux enveloppes dans l'une un big up au bled. Dans l'autre un big up aux jeunes des cités HLM. C'est pour les mecs avec ou sans permis. Des low qui dans le box, la weed dans le coffre et le 20 grammes de pops. Au charbon comme le jeune fraîche pour les flèches. 200% crevard, trop puissant, malin et rusé. Lève ton majeur bien haut si tu me sens venir. Samir elle a trahié, là elle court, risque de partir. C'est pour les meufs accompagnées, les charmantes, les stylées, épilées qui se jettent vers notre côté. Je manifeste la famille pour se l'attache. Pour les mecs de ma rue qui s'étranglent à la tâche. C'est pour les gens Valjean, les gros barjols, les rageuls. Qui roulent en BM à l'ancienne avec les phares jaunes. Qui rôle quand t'as slick, tu te joins dans le cendrier. Comme un fusil qui peut te faire valser un cendrier. À ceux que t'aimes ou ceux qui te surinent, qui te font sourire ou trembler. Ceux qui te font rire jusqu'à t'en étrangler. Les gros timbrés, ceux qui ont envie de Ken ou Denken. Qui se foutent ça en pleine semaine, berceau des animés hardcore comme Ken. Aux survivants de la galère qu'on assimile à leur ville. Quand de la Ilia au grossiste de Hia et de Sensimilia. À ceux qui sont toujours là pour leur familia. À ceux qui kiffent la vraie fête, je te parle pas du Mia. Sans armes, retenant mes larmes comme Kelly Joyce. Ça concerne pas, donc là tout de suite éteins ton poste. Ceux qui ont compris que la vie est ce que t'en fais jusqu'à ta mort. La vie ce n'est pas un film dont ton quartier serait le décor. Pour ceux qui ont bien connu et côtoyé l'inoubliable. Ça fait partie de notre passé, de ces choses ineffaçables. Ceux qui très tôt ont accusé de mecs à part sur le bitume. De par leur attitude, ça c'est de la part d'OG Bitume. Pour ceux qui s'y payent à noyer, mon bled vise d'être propriétaire. J'ai pas passé ma vie à jouer le sparring partner. Ce mais aussi celle qu'on le somme sur SSL. Pour ceux qui veulent des parts, en plus des parts à l'assassin. Les cas sociaux qui te font peur, qui font le beurre. Toujours à l'heure exacte dans les transats. Fini sur un transat à Pattaya. Gros dit que ça compte toujours la barre. Qui passe à la barre, qui font l'anglaise, la taille qui pousse seule la barre. Pour les croyants, les vaillants qu'on peut culture immature. Élevé au riz, au couscous, au coup de ceinture. À la place ouvrière, les darons et boueurs. Baronne qui taffe, les travaux sanitaires dans la douleur. Pour les poucelles, celles qui puent pas de la chatte des aisselles. Qui prennent soin d'elles, pour la cuisine, la vaisselle. Qu'on fait le mariage, l'aile. Et yo, pour les pilotes de voitures puissantes, routinantes. Les poteaux qui roulent en chaise roulant. C'est pour les mecs qui sortent les CBR quand il fait chaud. Qui squattent les bars, les billards, des banlieues paro. Rap pour les perceurs de coffres, ceux qui va être à ton box, c'est qu'on coffre avec un 12 coffret. Pour ceux qui sortent vos gosses poteaux, sous le soleil en été, qu'un est en main dans le ghetto. Hiver comme été, ensuite la suite, mec ensuite poursuite, l'élite fuite, même sous cuite. Pour ceux qui foncent, défoncer le son dans les oreilles, et baisent la PS2 toute la nuit pour trouver le sommeil. Pour ceux qui foutent des KO, pas sur pas, oh, c'est le tarot, des tarés, tous parés pour cargo. Pour ceux qui ont les bagages prêts à partir, soit pour embarquer ou sortir du sas avec la tirelire. Ceux qui font tout pour pas se faire alpaguer. Les ceux qui accélèrent, les mordus des armes, castiquent leur flingue. Ou ceux qui aiment les virer by night. Quand tu nous croises au volant, celui qui bombarde, c'est Mika et Knight. Ceux qui ont pas internet, matent les faits divers de leur fenêtre. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24/7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes dans le champ libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre. Hey, laissez passer ma dream team. Quand on se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayé comme le maillot de l'Argentine. Mon rap c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs, les spermas c'est comme en Thaïlande. Si t'as un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le break ou le grec. Hey, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire. C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Capri, brodé sur le cuir. Pour les quinfruits, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour MS et LAS. C'est pour ceux qui votent, ceux qui se tapent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la rue ont perdu des potes. C'est pour ceux qui souffrent, pour le ghetto, pour les mettre à corps. Pour tous ceux qui mangent pas de porc, pour tous ceux qui dorment dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. Faut pas rigoler avec moi. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus gros ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, pas bien quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, j'en plus de chico sur le côté. Qui boitent, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours devoir quand y'a un bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand les plus gros ça marchait dessus. Pour nos sœurs, nous serons les mères de demain. Wesh wesh cousin, mafia quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouches. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les droite, balancé avec un nez qui se bat en couille. Toujours devant quand y'a embrouille.